Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi, c'est Fred, c'est l'heure du disco et du funk. J'espère que vous allez bien car on va démarrer sur les chapeaux de roue avec la découverte. Aujourd'hui, le groupe The Time. Il connaîtra son apogée avec leur participation au film Purple Rain de Prince. Leur chanteur Maurice Day est lancé par le Prince lui-même. Le groupe connaîtra plusieurs séparations pour finalement encore exister aujourd'hui. On va écouter l'un de leurs morceaux les plus connus, Jungle Love. La double dose du jour, on va continuer dans les groupes avec Delegation. La création date de 1975 et il est considéré comme une icône de la culture funk. Leur premier 45 tours est Where is the Love, mais il ne rencontrera pas le succès. Il va falloir attendre 2 ans pour que leur titre Ho Honey se place dans le top 10 de pas mal de pays. Leur premier album sort en 1978 et connaîtra un réel succès avec Mr. Heartbreak. Mais la consécration, elle va arriver avec leur second album Eau de vie, à consommer sans modération bien sûr, qui comporte les tubes You and I, Heartbreak No. 9 et Put a Little Love on Me. Ils sont alors au sommet de leur gloire. S'en suivra une lente descente, même si en 1982 avec leur album Deuce Height, la célébrité va de nouveau leur sourire en Europe avec des titres comme Don't Dance Like Fred Astaire et What Took You So Long. Des années 80, il va rester un classique de leur répertoire avec It's Your Time. Alors, pour le choix de l'écoute, j'ai grave, grave galéré, parce que c'est un groupe que j'adore aussi. Alors, mais la vie est faite de choix, et donc les miens seront Darling et You and I. C'est parti! Alors pour le maxi du jour, j'ai choisi un morceau, Champagne. Ben, ça tombe bien parce que c'est le nom du groupe qui l'interprète. La chanson, c'est My Love Is Right. Elle date de 1989 et c'est la pleine période de transition entre la danse et le funk. Shaina Douglas s'incruste pour chanter, résultat est d'une redoutable efficacité. Alors moi au début, je pensais que c'était Evelyn Champagne King qui chantait cette chanson. Eh ben non, c'est un groupe qui s'appelle Champagne. Comme quoi, ça vaut le coup de préparer ses émissions. Alors dans mes souvenirs les plus anciens, et puis pour les plus anciens aussi, il faisait fureur au dernier sou la célèbre boîte de Nancy. Allez, Champagne immédiatement. Right, my love is right. My love is right. My love is right, my love is true. Don't play no games. La pépite va être consacrée aujourd'hui à une chanteuse que j'affectionne tout particulièrement. Ah, je dois vous avouer, c'est une de mes chouchoutes. J'ai nommé France Jolie. On a déjà consacré une double dose à cette dernière. Alors, le morceau que je vais vous présenter, il date de 1979. Et il est extrait de son premier album. Il s'agit de Don't Stop Dancing. Comme d'habitude, lors de mes recherches, je suis tombé sous le charme de ce titre. Je vais vous le faire déguster maintenant. Listen to ben moi aussi, I love you, Frangeli, I love you. Alors, il nous reste un peu de temps et la musique ne se limite pas qu'au disco et au funk. Ni mes goûts d'ailleurs. Alors, je vais vous faire écouter Time de Culture Club. Et je dédicace cette chanson à mon ami Gilles, avec qui j'ai passé mon adolescence et mes années d'étudiant, et qui nous suit tous les samedis. Sors la bière, Gilles, et des bonnes dégustations. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain sur Fadjet. Bye bye.